Des ailes aux talents, des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien commun, racontés par des écrivains et écrivaines. Baptiste Beaulieu. Cécile se souvient de cette amie qui lui a dit une fois « Tu sais, Cécile, pour ces jeunes-là, avoir leur bac, c'est déjà super. Vous vous rendez compte combien c'est limitant ?» Ils accepteraient ce « c'est déjà super » pour leurs propres enfants, vous croyez ? Des ailes aux talents, un podcast de la Fondation Bettencourt-Schueller, disponible sur toutes les plateformes. Je me souviens d'une époque où, adolescente, les conversations pouvaient régulièrement aller sur le terrain de la propreté. Il y en avait toujours un, parmi mes amis, pour sortir une théorie selon laquelle se laver tous les jours ne servait à rien, voire était contre-indiqué. Évidemment, le propos ne se voulait pas seulement absurde, mais critique. Normes hygiénistes, dimension écologique, société aseptisée, tout était bon pour justifier, certes, un goût certain pour la paresse, mais aussi pour remettre en question les limites du domaine du propre. Et c'est vrai après tout, pourquoi se laver tous les jours et à l'eau? Et vous, quel est votre rapport à l'hygiène et comment le justifiez-vous? Ce qui vous semble inquestionnable en termes esthétiques et sanitaires est-il si fondé que ça? Et est-il si solide et si répandu que ça? Toi, t'en connais des gens sales, hein? Oui, plein. Qui ça? Ben, mon tonton, ma cousine et ma tati. Ils sont sales? Ah oui, et en plus... Tous les soirs, ils ne se lavent pas les dents, tous les matins non plus. Ils se lavent pas du tout. Du tout, du tout. Même quand on va chez les gens. Je suis contrôleur à la RATP, sur les bus, et des fois, il y a des odeurs qui se perdent. Hein. Ah ouais? Quel genre d'odeur? Le mal lavé. Ouais. Il n'y a qu'à prendre le métro aux heures d'affluence, vous verrez. Qu'est-ce qui vous indispose? Oh, toutes les odeurs de transpiration, etc., c'est épouvantable, les gens ne se lavent pas. Des fois, quand il y a des gens qui reniflent, ça me plaît pas trop, et il y a mon frère aussi, des fois, qui renifle. Ça change pas tellement d'être propre, mais ça peut-être, ça fait mal à la peau. Tu as pris un bain ou une douche, quand? Pour la dernière fois, c'était dimanche. Ça fait 4 jours, quoi? Oui. Tu te laves tous les 4 jours? Pas forcément, parce que je vais à la piscine. Ma maman, elle me dit, bon, tu vas y aller, sinon tu regardes pas le film. Si c'était pas obligatoire, tu t'en allais? Bah oui, mais pas tout le temps. Bonjour Georges Vigarello. Bonjour. Vous êtes historien et directeur d'études à l'EHESS. Vous avez travaillé sur la fatigue, la robe, la beauté, le gras. Mais vos travaux ont d'abord porté sur la propreté et l'hygiène. On peut citer de vous Le sain et le malsain, Santé et mieux-être depuis le Moyen-Âge, disponible aux éditions du Seuil. Mais aussi Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge, aussi aux éditions du Seuil. Alors je ne vais pas commencer cette émission en vous demandant de quand date votre dernière douche, Georges Vigarello, mais cette archive... Ça ne me dérangerait pas. Bah alors dites-nous quand. Bah, tous les jours, évidemment. Tous les matins. Mais cette archive de 86 est intéressante parce qu'en fait, on voit que le rapport à la propreté quotidien, qu'on croit naturel, est pas si naturel que ça, et beaucoup plus flou que ça, que cette notion en fait de propreté, elle est beaucoup plus relative. Alors, elle est évidemment relative. Je pense qu'elle change, bien sûr, dans le temps, sinon on ne ferait pas ce type de travaux que vous venez d'évoquer. Elle est relative. Je pense qu'elle s'est aiguisée, accentuée dans les périodes récentes pour une double raison. La première raison, c'est quand même le fait que la sensibilité est devenue beaucoup plus exigeante et présente. Et donc la perception, en quelque sorte, de la transpiration est beaucoup moins supportée, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai l'impression que c'est accentué aussi le côté psychologique, vous voyez, de la relation à l'eau, la relation au propre, avec ce sentiment que vous vous sentez mieux, que vous êtes plus à l'aise. Donc il y a bien cette double dynamique, me semble-t-il, la période récente, avec bien sûr des relativités très fortes que vous venons d'écouter à l'instant, mais ces relativités ne contredisent pas l'accentuation de l'exigence. Alors ce qui est intéressant, ça veut dire qu'il y a eu une accentuation, mais qu'il faut aussi lutter contre le cliché de dire que avant on était sale, que par exemple le Moyen-Âge n'avait aucune notion relative à la propreté ou à l'hygiène, mais plutôt dire en fait que la propreté a toujours été là, mais on va dire encore une fois de manière relative. Alors vous avez raison, je pense que c'est une idée absolument centrale. L'exigence du propre, c'est une exigence qui traverse le temps. C'est une exigence qui est à la fois de type personnel, mais qui est aussi de type collectif. On l'a senti d'ailleurs dans les évocations tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire de type collectif ? Ça veut dire que, au fond, il y a souvent un partage dans l'histoire entre ceux qui s'éprouvent propres et qui rejettent ceux qui considèrent comme étant sales. Ça renvoie très souvent d'ailleurs, d'une part, à une différence sociale, c'est-à-dire que les pauvres sont sales, et ils mangent d'ailleurs mal, et le fait qu'ils mangent mal renvoie à la création d'odeurs qui sont désagréables, un premier point. Et deuxième point, c'est une disant culturelle, c'est-à-dire que ceux qui sont ailleurs, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont loin, ont beaucoup moins d'exigences que nous, ils sont sales. Vous voyez, c'est une façon qui passe par le corps, et qui permet de créer de la distance. Finalement, ce rapport à la propreté, c'est exactement le même que celui qu'on a traité toute cette semaine sur les déchets, où c'est-à-dire le sale, finalement, est quelque chose qui est toujours là, de la même manière que l'inverse, c'est-à-dire traiter les déchets ou absolument être propre. Et finalement, c'est toujours un rapport, en fait, entre inclusion et exclusion. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un rapport entre inclusion et exclusion, c'est un rapport entre répudiation, si vous voulez. Oui. Mais c'est en même temps un phénomène qui, et de ce point de vue, m'intéresse beaucoup, c'est un phénomène éminemment culturel. C'est un phénomène qui renvoie à de la sensibilité, qui renvoie à du sentiment, qui renvoie à la façon de s'éprouver, qui renvoie vraiment à quelque chose qui est au cœur, finalement, de notre propre existence. Et comment vous est venue l'idée de travailler, en fait, sur le propre et le sale ? C'était justement parce qu'il y avait cette dimension culturelle, parce que oui, vous auriez très bien pu faire aussi des recherches beaucoup plus historiques d'histoire, en fait, de médecine, presque. Et finalement, vous l'avez traité quand même sous le versant culturel. Bah, évidemment, parce que personnellement, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la manière dont on vit son propre corps. Et vivre son propre corps, c'est bien entendu recourir à des facettes extrêmement différentes, hein. C'est l'alimentation, c'est le rapport à l'air, mais c'est aussi fondamentalement le rapport à l'eau. Alors moi, ce qui me passionnait, si vous voulez, c'est que l'image même de l'eau change avec le temps. C'est-à-dire la façon même dont vous travaillez son contact change avec le temps. Elle peut être inquiétante, elle peut être apaisante, elle peut être au contraire excitante. Vous voyez, il y a mille façons de vivre l'eau. De la même façon qu'il y a mille façons de vivre l'air. C'est ça qui me paraît très intéressant. Et ces façons-là changent fondamentalement avec le temps. Prenons un exemple. Prenons un exemple. La peste. Elle surgit, elle existe dans l'Antiquité, etc. Mais elle surgit d'une manière épouvantable au cœur du XIVe siècle. 1348-49. Bien, très bien. Et comment interprète-t-on la peste au départ ? Ben, c'est un phénomène de l'air. Ce sont des venins qui viennent vous agresser. Très bien. Mais insensiblement, quelles sont les façons à la fois de s'en préserver et de l'expliquer ? Insensiblement, vous allez rencontrer la question suivante. Oui, mais si vous utilisez de l'eau chaude, ben, vos pores vont s'ouvrir. Et le fameux venin en question, que fait-il ? Ben, il demande pas mieux que de rentrer dans votre corps. Donc là, il y a quelque chose qui va émerger, c'est très long, hein. C'est pas au 14e que cela surgit. Mais très vite, dans les décennies qui suivent, cette idée qui surgit, c'est, mais le rapport à l'eau va poser un problème. Parce que c'est pas du tout simple de s'immerger. Et s'immerger peut faire courir des risques. Et donc à ce moment-là, naît quelque chose auquel nous n'avons absolument aucune idée aujourd'hui. Naît cette idée selon laquelle l'eau peut être dangereuse. L'eau peut être inquiétante, l'eau peut vous menacer, l'eau peut faire circuler des produits qui viennent agresser votre propre corps. Et ça va durer très longtemps. Au XVIIe, il continue d'avoir cette idée selon laquelle l'eau, c'est pas tout à fait simple. L'eau, ça peut inquiéter. Alors vous avez, par exemple, dans les règlements de collège, je pense en particulier au règlement de Jacqueline Pascal du milieu du XVIIe siècle, qui a un institut éducatif. Jacqueline Pascal va dire à la sœur de Blaise Pascal, qui est aussi poétesse et religieuse enseignante. Très importante. Va dire à ses élèves, attention, le matin, ne passez pas de l'eau sur votre visage. Vous lavez votre bouche, vous lavez vos mains, mais sur le visage, l'eau risque de pénétrer. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée des fluxions. Elle crée des fluxions et elle crée en plus le danger d'avoir du hâle pendant l'été parce qu'il faut avoir un teint blanc. Vous voyez, voilà des idées qui, moi, me paraissent extrêmement importantes parce qu'elles sont révélatrices de culture et qui sont radicalement différentes des nôtres. Que nous dit l'histoire ? L'histoire nous dit cela, c'est-à-dire intéressez-vous à ce qui est différent par rapport à nous et qui par certains côtés explique la façon dont vous vous êtes créé. On va écouter tout de suite Georges Vigarello, justement une certaine manière, un certain rapport à la propreté qui justement ne fait pas du tout appel à l'eau. On n'entend pas la hantise de l'eau, c'est juste que ce terme d'eau est complètement absent de ce texte. C'est Michel de Montaigne. Quoique j'ai été formé autant qu'on a pu à la liberté et à l'indifférence, et que l'on m'ait disposé à m'accommoder indifféremment de tout, il est vrai cependant que par nonchalance, m'étant en vieillissant plus arrêté à certaines façons de faire, mon âge ne peut plus être éduqué et n'a désormais pas à viser d'autre but que de se maintenir tel qu'il est, l'habitude a déjà, sans que j'y pense, si bien imprimé en moi son caractère pour certaines choses que j'appelle excès le fait de m'en départir. Et je ne peux sans en souffrir ni dormir de jour, ni faire de collation entre les repas, ni prendre de petit déjeuner, ni aller me coucher après le souper sans laisser un grand intervalle de 3 bonnes heures, par exemple, ni faire des enfants autrement qu'avant le sommeil, ni les faire debout, ni supporter ma sueur, ni boire de l'eau pure ou du vin pur, ni rester longtemps la tête nue, ni me faire couper les cheveux après le déjeuner. Ajoutons que je me passerai aussi difficilement de mes gants que de ma chemise, ainsi que de me laver en sortant de table et à mon lever, et de ciel et de rideaux à mon lit, les considérant comme des choses bien nécessaires. Je pourrais déjeuner sans nappe, mais déjeuner à l'allemande sans serviette blanche serait pour moi très gênant. Je souille nappes et serviettes plus qu'eux et les Italiens ne le font, et je me sers peu de cuillères et de fourchettes. Je regrette qu'on n'ait pas poursuivi une façon de faire que j'ai vue commencer à l'exemple des rois, à savoir qu'on nous changeât de serviettes comme d'assiettes à chaque plat. Michel de Montaigne, Les Essais, livre 3, chapitre 13, sur l'expérience, un texte qui date de 1580, interprété par Hélène Losseur. Vous avez ri à plusieurs reprises, Georges Vigarello, en entendant ce texte, notamment sur cette expression peut-être de Montaigne, le moment où il dit qu'il ne se sent pas de faire des enfants autrement qu'avant le sommeil, ni les faire debout. C'est un texte absolument magnifique pour 1000 raisons. D'abord parce qu'il envisage des situations qui sont extrêmement variées, qui nous surprennent. Le fait de manger sans fourchette, par exemple. Ce que vous venez d'évoquer aussi, qui est curieux. Mais il faut quand même jamais oublier que c'est un texte qui, quasiment pour la première fois, décrit la façon dont un individu se situe par rapport à son quotidien et raconte son quotidien. Vous voyez, il y a une émergence folle en termes d'importance que l'individu revêt, parce que il se permet de parler de lui-même. Ça devient intéressant de parler de soi. Ça a du sens. Mais alors, nous l'oublions jamais, c'est pas le journal intime au sens où on l'entend au 19e siècle. C'est un journal intime qui est fait, en fait, pour dire, voilà, à travers moi, ce qu'est l'humaine condition. Mais à travers ce moi, il y a 1000 situations qui sont évoquées. Et le repas, l'air, le chapeau. Alors pourquoi le chapeau? Parce qu'il y a une idée qui est très curieuse, selon laquelle les humeurs montent. Et il ne faut pas... Il faut favoriser le fait qu'elles puissent monter dans le corps. Et donc le chapeau qui crée de la chaleur en haut de la tête, c'est un peu comme un alambic, si vous voulez. Ça permet aux humeurs de sortir. Ça, on l'oublie. Vous voyez, il y a à l'arrière-plan, dans le discours de Montaigne, une représentation du corps qui est extraordinairement intéressante et en fait, beaucoup plus compliquée qu'on l'imagine. Alors, je continue un instant. Je crois que le texte ici, le plus important, ce qui nous concerne pour le sujet de ce matin, c'est lorsqu'il dit « je ne peux pas supporter ma chemise lorsque je transpire ». Ça, c'est absolument fondamental dans l'histoire, en quelque sorte, du linge et dans l'histoire moderne. Pourquoi c'est fondamental? Parce que c'est un des premiers à dire « je ne supporte pas ma transpiration ». C'est un des premiers aussi à dire « regardez à quel point la chemise est importante, je ne peux pas me passer de chemise ». Vous n'avez pas ça au XIIIe siècle. La chemise quasiment n'existe pas. La chemise va être inventée, voyez, alors que, par exemple, ils disposent de nappes. Mais, c'est-à-dire de tissus relativement souples. Mais ils ne mettent pas de chemise. La chemise va être inventée quasiment au XVe siècle parce que elle témoigne d'une exigence supplémentaire portant sur le contact que l'habit peut représenter. Pas de rudesse, pas d'irritation. Il faut un linge souple. Et ce linge souple va absorber la transpiration. Oui. Donc il y a, à travers cela, déjà, une image de la propreté. Ce qui est intéressant, qui porte sur la relation à la transpiration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a toujours pas d'eau. C'est-à-dire qu'on parle de chemise, on parle de serviette et de nappe. Il y a cette importance du linge, mais c'est presque en fait une hygiène qu'on pourrait appeler sèche. Alors, vous avez absolument raison. Il y a une évocation de l'eau simplement sur le fait qu'il se lave les mains. Il se lave les mains après le repas et avant le repas. Parce que tout simplement, les mains ont été portées à l'intérieur même du plat. Sachant qu'il n'avait pas de fourchette. Bien sûr. Donc, de ce point de vue, nous l'oublions jamais. Il y a quand même une présence de l'eau, mais qui est extrêmement limitée, extrêmement, je dirais, restreinte, vous voyez. Bon, alors, vous me posez, en fait, indirectement, la question de l'eau. Je vous y ai répondu un tout petit peu tout à l'heure. Je voudrais prendre un autre exemple, qui est tout aussi parlant, qui n'est pas totalement contemporain de Montaigne, qui est un petit peu, quelques décennies avant, c'est l'exemple de Rabelais. Rabelais raconte dans l'abbaye de Thélème, ce passage absolument fondamental de ses de Pantagruel et ses grands textes des années 30 du XVIe, il raconte que après la partie de paume, les joueurs se mettent devant un feu et changent de chemise. Or vous imaginez bien qu'aujourd'hui, après une partie de paume, on prend la douche. Bon, donc là, il n'y a pas du tout de présence de l'eau. Et on voit bien qu'à l'arrière-plan, cette idée est que l'eau n'est pas une matière que l'on peut utiliser aussi simplement que cela. En revanche, l'exigence de la propreté est tout à fait présente. C'est quoi ? On change de chemise, on sèche son corps, vous voyez, avec le feu. Et voilà autant d'indications qui méritent d'être réfléchies pour révéler leur propre profondeur. Ce qui est intéressant aussi dans le texte de Montaigne, vous l'avez dit, Georges Vigarello, c'est le fait de se prendre soi-même comme sujet. Absolument. Sans être non plus dans un journal intime, mais il y a néanmoins une étude qui est faite de son intimité comme sujet qui peut prétendre à l'universel. Ce qui veut dire que l'hygiène dont parle Montaigne ici, ce sont à la fois des mœurs sociales, le fait de changer de chemise, le fait de... Il parle d'ailleurs de la manière dont les Allemands ou les Italiens ont un certain rapport à la nappe ou à la serviette, mais ce qui veut dire aussi que là, Montaigne parle de son hygiène intime. Ah, c'est-à-dire qu'il y a une aura sociale, mais il y a aussi le fait qu'il raconte quand même qu'il a des habitudes dont il ne peut pas se départir. Il ne peut pas se départir et ses habitudes portent sur des gestes qui sont évidemment des gestes intimes qui mettent en jeu la peau en quelque sorte. Vous voyez, le plus profond, si l'on peut dire les choses comme ça, parce que c'est une enveloppe, mais quand même le plus profond de la façon dont vous ressentez le contact avec les choses. Et ça, il le dit évidemment, à mon avis, très bien. Mais ce qui veut dire que l'hygiène n'était pas non plus qu'une donnée qui relevait du social. Parce qu'on va le voir dans les prochains textes qu'on va entendre, Georges Vigarello, la propreté, c'est essentiellement aussi une notion qui a affaire au regard de l'autre, à l'apparaître, au social. Or là, le seul regard qui est posé sur Montaigne, c'est le sien. Oui, alors vous dites quelque chose qui me paraît effectivement central. N'oublions pas la dimension sociale de la propreté. Évidemment, c'est évoqué à travers la nappe, etc. Mais vous dites quelque chose qui est fondamental, parce que ce qui apparaît ici, c'est bien le fait de parler du contact intime, profond, que l'on a avec les objets. Et c'est cette relation qui est tout à fait, à mon avis, nouvelle dans la façon dont elle est explicitée, cette relation qui porte sur le contact que l'habit peut avoir avec notre propre peau. Et ce contact, on commence à en parler. Et on commence à dire, sur le mode tout à fait individuel, et je vous rejoins parfaitement, on commence à dire, voilà, il faut que le contact ait tel type de rapport. Alors ça va très loin. Ça va très loin parce que ce qui commence évidemment aussi à apparaître dans cette deuxième moitié du XVIe siècle, c'est l'importance que l'on va attribuer à la quantité de chemises que l'on a. Deuxième idée qui est tout aussi importante, sinon davantage, on va apporter de l'importance au rythme de changement. Et dans les règlements, je pense par exemple aux règlements de collège, je pense aux règlements qui sont ceux des abbayes, des institutions religieuses, etc. Vous commencez à voir s'accentuer le rythme du changement. Voyez, ou les hôpitaux. Par exemple, dans les hôpitaux au Moyen-Âge, Hôtel Dieu, on ne parle absolument pas du fait de changer les draps. Et puis progressivement, je pense à un règlement du XVIe siècle à Hôtel Dieu de Lyon, on vous dit, il faut changer le drap toutes les semaines. Donc il y a bien quelque chose là qui orchestre le temps, alors qu'il ne l'était pas auparavant. Et puis, il y a aussi ce terme dans le texte de Montaigne qui est sans serviette blanche. Oui. J'imagine que ce terme blanc n'est pas là par hasard. Il y a peut-être un rapport avec la netteté ou le fait que la couleur soit immaculée, en fait, sans tache. Alors, le blanc, c'est un immense enjeu. Michel Pastoureau en parlerait mieux que moi. Mais le blanc, c'est un immense enjeu. Parce que vous avez le blanc d'abord, qui est celui qui n'apparaît pas. Et au XVIe siècle, en fait, il commence à apparaître. Le linge commence à apparaître, vous le liserez au niveau du col. Vous avez les grandes peintures, vous savez, du XVIe, on voit le liseré qui apparaît au niveau du col. C'est un liseré blanc. Et puis, si vous avancez dans le temps, vous allez voir que non seulement le linge émerge de façon que je qualifierais de marginale, mais il émerge ensuite de façon de plus en plus visible. Lorsque vous regardez les gravures de Callot, qui sont des gravures des années 1630, qu'est-ce que vous voyez? Vous commencez à voir que le linge va, j'utilise un terme qui est un peu facile, va cascader sur le corps. Il va sortir et il va apparaître à la fois sur la poitrine, vous voyez, il va apparaître sur les poignets, et il apparaît même sur les bottes. C'est-à-dire que parfois, vous avez au-dessus des bottes du linge qui ressort et qui retombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le linge commence à devenir un objet qui rend ostensible le fait d'être propre. C'est-à-dire que l'extérieur confirme le contact que vous avez avec l'intérieur. Donc le linge, et ça, c'est magnifique. Le linge fait office de peau, presque. Le linge fait office de peau. Le linge rend visible votre peau, vous voyez. Et ça, c'est absolument remarquable. Parce que on voit bien que cette importance, elle est liée au fait que le bain, la relation à l'eau, n'est pas du tout une évidence. Et que ce qui est évident, c'est que vous avez à montrer un extérieur qui, lui, se doit d'être immaculé. Vous avez des passages magnifiques, Madame de Maintenon, qui vous dit quand j'étais jeune et j'étais extrêmement sensible au linge blanc. Vous avez une différence aussi entre les aristocrates qui insistent sur la blancheur et au contraire d'autres franges sociales que je qualifierais de plus banales, dont le côté blanc n'est pas évident. Vous avez du linge écru qui est un petit peu jaune, vous avez du chanvre, vous voyez. Et là aussi on voit une différence sociale. Donc on voit bien que la propreté, c'est à la fois de l'intimité et du social. Allez, sauvez-la! Calmez-vous, les enfants. Cousin Hubert n'est pas un voleur. Et l'autre monsieur n'est pas une vieille sorcière qui pue. Cousin Hubert et monsieur Houille, mettez-vous dans la lumière, que les enfants soient rassurés. C'est des clodos, c'est des clodos! Bonne nuitée, les petits hauts. L'enfer, maintenant, ils disent que c'est toi qui leur fais peur. Bon, allez, symphonie-vous de bon cœur. Et insistez bien sur les pieds. Le savon et les salles de bain sont là. Allez-y, franchement. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'ils ont aux pieds, Messing? Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt. C'est bouilli. Allez, mets-les au bord. Jacouille, frotte-moi. Oh, quel étrange brassoir. Il fera bien l'affaire. Vous vous en sortez? J'ai fini mes ablutions. À toi. Non, non, non, monsieur. Moi, c'était pas la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière. J'ai fini mon lavement, tu peux y aller. C'est trop bouillant. Qu'est-ce qui fabrique? C'est bouillant. Arrêtez de chahuter. Ce n'est rien, j'ai dû presser ce maraud pour son lavement. Je vais me sécher à la bonne flambée. Il a vidé toute la bouteille? Une bouteille de parfum 6000! À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée. Les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre. Les cheminées crachaient une puanteur de soufre. Les tanneries, la puanteur de leur bain corrosif. Et les abattoirs, la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Leurs bouches puaient les dents gâtées. Leurs estomacs puaient le jus d'oignon. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan. La noblesse puait du haut jusqu'en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce XVIIIe siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie, en germe ou bien à son déclin, qui ne fût accompagnée de puanteur. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Vous avez peut-être reconnu, d'une part, Les Visiteurs, le film de Jean-Marie Poiret qui date de 1993 avec ce célèbre bain du comte de Montmirail avec son fidèle écuyer Jacouille la Fripouille qui découvre le bain bouilli. Et puis, après, on a entendu, interprété par Hélène Losseur, un extrait du roman de Patrick Susskind, Le Parfum, histoire d'un meurtrier, roman qui est paru en 1985. Ces deux éléments, Georges Vigarello, nous permettent peut-être d'interroger ce rapport entre l'extériorité et l'intériorité, c'est-à-dire que la puanteur, hein, j'ai compté, il y a une vingtaine de fois le mot puer et puanteur dans le texte de Patrick Susskind, on entend, dans celui qu'on a entendu en tout cas, on voit bien en fait que le parfum va révéler les profondeurs, c'est-à-dire que peut-être que les rues sont désencombrées, peut-être que la saleté est repoussée, mais néanmoins il y a quelque chose du nettoyage en profondeur, la même chose avec le bain, hein, avec l'eau qui fait peur, dont on entend qu'il y a une forme de hantise. On voit bien en fait que cette propreté en profondeur est refusée. Oui, en fait, ce sont deux textes qui renvoient à des périodes différentes. Mais je trouve que le bain des visiteurs est à la fois révélateur et anachronique, parce que au Moyen-Âge, les choses ne renvoient pas directement à ce type de pratique. Évidemment, il y a de l'eau. Vous voyez, avant la peste en particulier, il y a de l'eau. Bon, et il y a des étuves, il y a un plaisir pris aux étuves. Mais ce qui est privilégié, c'est précisément ce plaisir. C'est le fait que l'eau, elle est festive. Que l'eau, c'est un lieu d'excitation, c'est à la limite un lieu érotique. D'ailleurs, les étuves deviennent progressivement de véritables lieux de prostitution. Et c'est pas une relation qui est directement renvoyée à la propreté. Il dit, lave les pieds, le savon, etc. Oui, mais c'était pas comme ça. Les étuves, c'était véritablement un lieu de plaisir, véritablement, j'insiste, un lieu de prostitution, et du coup, elles vont être progressivement, elles vont reculer, et elles vont quasi disparaître. Vous n'avez plus, vous avez un bain public, un seul dans Paris au XVIIe, alors qu'il y en a une vingtaine d'étuves au XIIIe siècle. Revenons à la question du parfum. C'est une question centrale. C'est une question centrale parce que l'idée que l'épidémie peut gagner passe par le fait qu'elle est aussi provoquée par du malodorant. Vous voyez, ce sont des lieux de décomposition qui deviennent dangereux. Les flaques qui se trouvent dans les rues, les tueries, c'était très bien évoqué dans le texte de Susskind, les tueries, le lieu où on abat des animaux, le sang, etc. Cela est progressivement perçu comme un lieu dangereux, auquel il faut immédiatement ajouter deux choses. La première, c'est qu'il y a une tolérance. Il y a évidemment dans les époques anciennes une tolérance aux odeurs qui serait totalement inacceptée aujourd'hui, premier point. Et deuxièmement, il y a une réponse. Il y a une réponse qui renvoie au parfum. Première réponse, je pense à la peste. Première réponse, faisons brûler de l'aloès dans les rues. Installons des cassolettes dans les pièces. Mettons du linge frais, des végétaux frais, des feuilles sur le sol. Voyez. Donc cette idée, c'est que si nous créons de la bonne odeur, nous allons nous défendre. Alors j'insiste sur l'hôpital, parce que les voyageurs, et je change un petit peu de perle, les voyageurs du 17e disent « Ah, l'Hôtel Dieu de Paris, c'est magnifique, parce qu'il y a des cassolettes qui brûlent comme ça dans les pièces. » Avec cette idée selon laquelle, si les cassolettes brûlent, vous allez vous protéger. Et ce qui est une idée radicalement différente de ce que nous savons aujourd'hui. C'est pas le parfum qui protège, bien entendu. Mais en revanche, cette sorte de perception agréable est renvoyée à un dispositif de défense. Mais j'insiste beaucoup sur la tolérance. Le lieu de tolérance est lieu d'intolérable. Et le livre d'Alain Corbin, de ce point de vue, est tout à fait fondamental. Le miasme et la jonquille, que montre Alain Corbin ? Il montre qu'il y a une rupture, qu'apparaît à la fin du XVIIIe siècle, je la retrouve moi d'ailleurs sur d'autres formes, apparaît à la fin du XVIIIe siècle l'idée que certaines odeurs sont intolérables. Alors ça entraîne des pratiques, hein. Ça entraîne des pratiques sur les bateaux, on va essayer d'installer des ventilateurs, etc. Ça entraîne des pratiques sur le quotidien. Et comment deviennent ces, pourquoi ces odeurs deviennent tout à coup intolérables? Bien sûr, c'est une immense question. C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme d'apparition d'hygiène? Donc, non, il y a une accentuation. Non, je pense que ce qui est fondamental dans notre histoire à nous, c'est une accentuation de la sensibilité, une accentuation de questions portant sur la façon dont vous vous éprouvez. On voit très bien, je pourrais parler de Corbin sur notre mort, on voit très bien que vous avez, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une nouvelle façon de vous interroger sur ce que vous percevez de votre propre corps. Quelles sont les émergences de certaines maladies, l'apparition d'atouts, l'apparition de certaines douleurs. C'était pas présent, cela, auparavant. Ou on n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas. Peut-être était-ce perçu. Mais oui. On n'en parlait pas. Bon, donc ce qui est important, c'est de montrer que dans la deuxième moitié du XVIIIe, s'installe avec ce que j'appellerais moi les périodes dites modernes, en mettant des guillemets au moderne, s'installe de nouveaux modes de sensibilité qui portent à la fois sur le parfum, sur la façon de percevoir son corps. D'ailleurs, il y a une histoire que j'ai essayé de faire de la perception du corps. Et c'est vrai qu'elle change dans la deuxième moitié du XVIIIe, voyez-vous. Alors qu'est-ce que ça renvoie, les thèmes du parfum? Bon, d'abord des critiques de plus en plus fortes sur la ville. Donc, essayons de faire cascader de l'eau sur les rues pour débarrasser, etc. Mais débarrassons aussi des objets inquiétants, c'est-à-dire ce qui encombre, etc. Mais ne l'oublions jamais, les cimetières. Par exemple, Paris est un lieu où on enterre les morts, au cœur de Paris, dans la place des Saints-Innocents. La place des Saints-Innocents, c'est un marché, un cimetière. Donc, que va-t-on faire? On va débarrasser dans des conditions qui sont étonnantes pour nous, avec des flambeaux la nuit, avec des sortes de berlines. On va débarrasser les cercueils, on va les amener dans ce qui est aujourd'hui les catacombes. Mais c'est bien la preuve qu'il y a une progressive intolérance à ce que les cercueils peuvent provoquer. Deuxième exemple, les églises. Interdiction de mettre des corps morts dans les églises. Alors que c'était tout à fait banal, et non seulement c'était banal, mais en plus c'était une façon d'honorer les morts, voyez. Donc vous avez, à partir de cette sensibilité, la preuve que des pratiques extrêmement importantes se mettent à changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a l'idée très caricaturale qu'avant, on était sale. Vous l'avez dit, hein, Georges Vigarello, en début d'émission, c'est un cliché. Non seulement c'est un cliché, mais c'est peut-être nous, avec notre regard. Et on l'entend bien, d'ailleurs, dans le texte de Patrick Suskind, qu'en fait, c'est presque un regard du XXe siècle porté, en fait, sur le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on, c'est nous, peut-être, qui avons un regard presque trop hygiéniste, presque intolérant. Mais c'est-à-dire que c'est très difficile de faire. Oui. Et je crois qu'il faut absolument se garder de cela. Faire de l'histoire en appliquant sur les périodes anciennes les repères d'aujourd'hui. Ça, c'est fondamental. Ce qui apparaît peut-être dans ce roman. Apparaît dans le roman de Suskind, qui est un roman magnifique par ailleurs. La question n'est pas là. Hein. C'est même un roman assez génial. Mais ça n'est pas un document d'histoire tel quel. Non, mais c'est un document qui, au fond, travaille sur notre propre sensibilité pour révéler le côté insupportable à nos propres yeux de la sensibilité d'hier. Alors, vous avez tout à fait raison, alors que, dans la sensibilité d'hier, une exigence de propreté, bien entendu, existe. Lorsque vous avez les règlements des écoles, vous avez, au XVIIe siècle, je pense à des cas très précis, vous avez un règlement sur lequel il faut qu'il y ait un seau d'eau à la porte, ce seau d'eau doit être ensuite utilisé par un balai qui va débarrasser l'école. Pour nous, c'est totalement ridicule. Mais il y a une discipline. Mais voilà, mais pour le XVIIe, on a bien des objets de règlement et des objets d'exigence par rapport à la propreté. Je prends l'exemple des hôpitaux. Je prends un exemple précis. Les pansements. Bon, très bien. Alors, les pansements, vous imaginez, c'est quand même un objet qui peut entraîner de l'infection, etc. Vous avez deux époques du règlement, ou trois. Un premier règlement où on ne dit rien. Un deuxième règlement où on dit les pansements, jetez-les sur le ciel des lits. Vous voyez, parce qu'il y a une toile. Bon. Et puis, vous avez un troisième règlement dans le temps qui dit, il faut absolument débarrasser ces types de pansements. Et il y a des responsables pour les débarrasser. On va les désigner. L'Hôtel Dieu de Lyon crée un règlement dont je parlais tout à l'heure, avec des responsables précis qui ont à débarrasser les déchets. Mais d'où vient ce rapport-là? Est-ce que c'est une des connaissances, un progrès en fait scientifique de contamination relatif à la propagation d'un virus, ou est-ce que c'est vraiment en fait un rapport presque moral en fait aux déchets, où on ne supporte plus ce qui est sale? Alors votre question est fondamentale, parce que c'est vraiment ça renvoie à ce que moi j'appellerais un moteur de l'histoire. Et ici, le moteur de l'histoire pour moi, pendant très longtemps, ça va se compliquer aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, le moteur d'histoire sont les mœurs. C'est la sensibilité. Prends un exemple très précis. On a le sentiment, nous, aujourd'hui, que la grande bascule, ce qui n'est pas complètement faux, hein, mais que la grande bascule, c'est Pasteur. Lorsque Pasteur commence à rendre présents les germes et en montrant leur danger. Donc il faut débarrasser les germes, en particulier les germes qui ne se voient pas, donc laver les mains, etc. Très bien. Donc on dit, une sorte de vulgate dit, la grande rupture, c'est l'émergence de la science qui impose de nouvelles pratiques à partir des années 1860-1870. Mais lorsque vous regardez avec attention, vous voyez très bien que l'eau commence à devenir un objet jugé très important dans la ville du 19e siècle. Et avec le sentiment que non seulement il faut apporter de l'eau, mais il faut aussi la débarrasser. Donc la grande idée, par exemple, dans les années 50, avant Pasteur, c'est faire venir de l'eau dans Paris à partir de sources extérieures, la Vanne, la Douy, 40 km de Paris, les conduire par des canalisations enfouies jusqu'à Paris, les faire monter par pompe dans des lieux relativement élevés pour qu'ensuite elles redescendent et par pesanteur, capillarité, puissent éventuellement remonter, mais il faut les faire partir. Donc, grande politique pour de l'évacuation. De l'évacuation. Créer des égouts avec un travail considérable qui n'est possible que par la société industrielle, hein. Créer des tranchées, créer des canalisations internes qui ne se voient pas. Et nouvelle image. 1867. Paris Guide. C'est un tout petit peu avant Pasteur. Nouvelle image, Paris Guide, qui est le grand texte présentant l'exposition universelle du 167. Que dit-on? La vie, la ville, c'est comme un organisme. Vous avez des objets qui rentrent, mais vous avez des objets qui sortent. Et la vie, c'est précisément cette entrée et cette sortie. Il y a un texte absolument magnifique de ce point de vue-là. Je le dis beaucoup moins bien que le texte ne le fait, à savoir quelque chose de vivant, de propre, qui entre et qui sort avec, évidemment, je dirais, une obscurité. Voilà. Mais vous avez bien là une image fondamentalement nouvelle de la ville. C'est plus simplement débarrasser, c'est plus simplement balayer, c'est plus simplement envoyer de l'eau sur les pavés. C'est au contraire faire circuler de manière invisible quelque chose qui est porteur de vie. Avant Pasteur, ne l'oublions jamais. Ça renvoie à quoi? Mais ça renvoie d'abord à de la sensibilité. C'est pas une découverte savante, c'est une découverte qui est liée à la manière dont nous éprouvons des exigences vis-à-vis de notre propre contact avec les objets et dans notre contact avec des objets qui peuvent apparaître inquiétants, parce que c'est pas forcément la science qui le démontre, mais c'est notre sensibilité qui, en quelque sorte, nous conduit à le penser et nous conduit à appliquer ce type de pratique. Georges Vigarello, vous parlez de l'importance des mœurs, on peut parler de la morale, vous avez parlé du 19e siècle. Je vous propose de revenir à la fin du 18e siècle, dans la deuxième moitié du 18e siècle, avec ce texte de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, où il parle de l'importance des bains, mais attention, des bains froids. Après l'accouchement, on lave l'enfant avec quelque eau tiède où l'on mêle ordinairement du vin. Cette addition du vin me paraît peu nécessaire. Cette précaution de faire tiédir l'eau n'est pas non plus indispensable. Et en effet, des multitudes de peuples lavent les enfants nouveau-nés dans les rivières ou à la mer sans autre façon. Mais les nôtres, amollis avant que de naître par la mollesse des pères et des mères, apportent en venant au monde un tempérament déjà gâté et qu'il ne faut pas exposer d'abord à toutes les épreuves qui doivent le rétablir. Ce n'est que par degrés qu'on peut les ramener à leur vigueur primitive. Commencez donc d'abord par suivre l'usage, et ne vous en écartez que peu à peu. Lavez souvent les enfants. Leur malpropreté en montre le besoin. Quand on ne fait que les essuyer, on les déchire. Mais à mesure qu'ils se renforcent, diminuez par degrés la tiédeur de l'eau, jusqu'à ce qu'enfin vous les laviez été hiver à l'eau froide et même glacée. Comme pour ne pas les exposer, il importe que cette diminution soit lente, successive et insensible, on peut se servir du thermomètre pour la mesurer exactement. Cet usage du bain, une fois établi, ne doit plus être interrompu, et il importe de le garder toute sa vie. Je le considère non seulement du côté de la propreté et de la santé actuelle, mais aussi comme une précaution salutaire pour rendre plus flexible la texture des fibres et les faire céder sans effort et sans risque aux divers degrés de chaleur et de froid. Pour cela, je voudrais qu'en grandissant, on s'accoutume à peu à se baigner quelquefois dans des eaux chaudes à tous les degrés supportables et souvent dans des eaux froides à tous les degrés possibles. France Culture, Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, le livre 1, qui date de 1762, interprété par Hélène Losser. Alors j'adore ce texte, Georges Vigarello, c'est vous qui nous l'avez conseillé, la manière dont il parle des bains froids et notamment des degrés de l'eau pour raffermir à la fois le corps, mais aussi pour raffermir, il le dit, rendre plus flexible la texture des fibres. On voit bien ici que l'hygiène, la propreté, le rapport à l'eau a dépassé largement le nettoyage des surfaces extérieures de notre peau, mais a presque une vertu purificatrice et fait le lien, en fait, presque thérapeutique, fait le lien entre l'âme et le corps. Oui, alors il y a deux idées fondamentales dans ce texte. Il y a une première idée qui est quand même le retour de l'eau. N'oublions pas la propreté nécessaire aux enfants. C'est plus simplement une propreté qui est faite d'essuie-ments, d'ailleurs il dit très bien, l'essuie-ment déchire, mais c'est une propreté qui est faite de recours à l'eau. L'eau devient moins inquiétante, on finit par comprendre que le rapport avec elle n'est pas un rapport dangereux, c'est absolument fondamental. Et il y a une deuxième idée qui mérite, oui, qu'on s'y attarde un instant. C'est vrai qu'on passe du 19e au 18e, mais après tout, nous tentons aussi d'expliquer les choses. Il y a une deuxième idée qui mérite que nous y attardons. C'est, quelle est cette idée? C'est d'abord le fait de penser le corps autrement qu'il ne l'était jusque-là. Jusque-là, le corps, c'était un lieu essentiellement d'humeur. Il fallait que les humeurs sortent, il fallait que les humeurs rentrent, il fallait être attentif à ce qui rentrait, etc. Là, le corps devient un lieu de fibres, de filaments, au fond, de données physiques supposant élasticité, tension. À l'arrière-plan, vous voyez très bien que l'idée, c'est les nerfs. C'est pas simplement le fait d'avoir une solidité de densité de liquide. C'est le fait d'avoir de la réactivité. C'est le fait d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'impulsif. C'est totalement nouveau au XVIIIe siècle. J'ajoute que la chaleur qui était auparavant privilégié, devient une chaleur inquiétante. Il y a un mot très important dans le texte, mollesse. Avec cette idée, vous voyez, c'est très complexe le texte en fait de Rousseau, avec cette idée selon laquelle ce qui se passait avant, c'était des pratiques qui renvoyaient à des milieux un peu trop faciles, critique de l'aristocratie, un peu trop mous, un peu trop qui se laissaient aller. Il faut au contraire renvoyer à un univers beaucoup plus exigeant, beaucoup plus tendu, beaucoup plus créatif, qui regarde devant, qui essaie de se tendre. Et cette idée, c'est ça. Qu'est-ce qui permet de tendre? Visage, je dirais, rapport totalement simpliste à l'eau. Ben, c'est le froid. C'est le froid qui va renforcer. Et donc là, c'est vrai que, voyez, on touche à la fois, vous le disiez tout à l'heure, on touche à la fois une idée qui renvoie à l'hygiène au sens le plus spécifique du terme, et une idée qui renvoie aussi à quelque chose qui est moral. Et renforcez-vous, ayez de l'énergie, avec cette idée selon laquelle les enfants, alors ça c'est très moderne, c'est le progrès, les enfants sont les porteurs de ce que sera notre monde demain. C'est une idée totalement nouvelle par rapport à l'aristocratie qui est fondée sur le avant. Là on se fonde sur le demain, sur le après. Donc il est très riche ce texte, et par certains côtés je trouve, je ne vais pas insister non plus, mais il a un côté fascinant, parce que c'est vraiment un texte bascule. Et puis il a un côté aussi fascinant parce qu'il a aussi une portée presque politique, parce que comme vous l'avez dit, en creux se loge une critique de l'aristocratie qui effectivement se définit par des atours moraux du type mollesse, laisser aller, mais aussi artifice. Il faut quand même dire, insister sur le fait que Jean-Jacques Rousseau critique notamment la société du progrès parce que fondée sur la corruption des mœurs, mais parce que aussi fondée sur les apparences et sur l'artifice et ce retour à l'eau. Et ça c'est intéressant. Intéressant parce qu'il y a vraiment presque cette idée de purification, j'ai déjà dit, mais de l'eau qui nous ramène à quelque chose de naturel. Ça nous dépouille, ça nous débarrasse. Moi, je suis très sensible à ce que vous venez de dire. Pour simplifier, l'idée, c'est avant, c'est l'extérieur, l'artifice, et c'est ce qui se voit. Maintenant, c'est au contraire ce qui ne se voit pas, mais qui est de l'ordre du renforcement. Et, idée fondamentale et magnifique, tout vient du dedans. Tout vient de l'intérieur du corps. Parce qu'on va le renforcer. Et parce que ça va avoir des effets politiques, ça va donner plus d'autonomie aux gens. Il y a le citoyen au bout du compte. Et puis vous avez un auteur comme Millau, au tout début du 19e siècle, qui va vous dire, mais il faut transformer l'éducation. Il faut installer sur la scène des sortes d'amphithéâtres où on va mettre les enfants, on va les laisser baigner dans le froid. Et à ce moment-là, nous aurons effectivement des hommes vigoureux et une société complètement nouvelle. Donc c'est beaucoup plus profond qu'on ne le croit, cette relation à l'eau. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse finalement, pour tout vous dire, et je vais le dire très mal, ce qui m'intéresse, c'est que apparemment, ce sont des pratiques qui semblent comme ça un petit peu secondaires, marginales. Dérisoires. Dérisoires. Vous touchez au cœur. Vous touchez vraiment à la façon dont les sociétés se transforment. Vous touchez finalement à la façon dont les individus commencent à se penser. Et comment s'ils se pensent autrement. Et c'est fondamental. Et le texte de Rousseau n'est pas suffisamment lu comme ça. Vous voulez dire pas suffisamment lu comme vraiment le moment du tournant. Un moment de bascule. Évidemment, c'est un moment de bascule. On le voit très bien quand vous utilisez les hygiénistes autour. Rousseau porte une parole relativement géniale qui témoigne de ce que les mœurs commencent en fait à éprouver et à tenter de transformer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se révèle d'ailleurs avec l'encyclopédie, hein, qui date de 1765, où on voit, où il y a cette définition, il ne faut pas confondre la propreté avec la recherche du luxe, l'affectation dans la parure, les parfums, les odeurs, tous ces soins exquis de la sensibilité ne sont pas assez raffinés pour tromper les yeux, trop embarrassants pour le commerce de la vie, ils décèlent le motif qui les fait naître. Voilà, c'est ça, et c'est tout vient du dedans. Je prends un autre exemple, qui peut vous paraître à des milliers de kilomètres de ce dont venons de parler. Je m'étais beaucoup intéressé, moi, il y a longtemps, à la question de la posture. Bon, alors la posture, ça paraît très secondaire. En fait, c'est quand même la manière dont vous vous présentez vis-à-vis des autres. C'est dans le corps redressé que vous en parlez. Exactement, vous savez tout, on ne peut rien vous cacher. Et vous avez effectivement dans la tradition, soit le désintérêt à l'égard de cette question, soit l'intérêt, mais l'intérêt va consister à donner une sorte d'armure au corps. On va installer un corset, on va renforcer les habits, pour que la posture soit mieux tenue. Que vont nous dire les auteurs de la deuxième moitié du XVIIIe siècle? Mais non, l'apparence, c'est pas central. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous transformez de l'intérieur. Tout vient du dedans. Musclez-vous, renforcez avec du froid. Vous voyez, on a changé de période. Et à travers le corps, on change complètement, non seulement de vision de soi, mais de vision du collectif. Donc ça veut dire que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on peut par exemple avoir une posture beaucoup moins élancée, beaucoup moins altière, un peu plus vautrée même, mais néanmoins devoir être ferme, être endurant. Oui, mais ça renvoie à du vautré, au contraire. Ça renvoie au fait de rendre la poitrine beaucoup plus expansive, beaucoup plus visible. C'est pas, vous voyez, c'est pas supporter quelque chose qui aurait, au fond, de la disharmonie. C'est au contraire créer de l'harmonie à partir de l'intérieur, et pas du tout de l'harmonie à partir de l'apparence. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites aussi, dans ce partage entre intérieur et extérieur, Georges Vicarello, c'est qu'on voit bien, et vous avez commencé à en parler avec, effectivement, au 19e siècle, donc là on repart dans le 19e siècle avec Louis Pasteur, c'est qu'il y a cette idée de devoir aussi traquer ce qui est invisible. On n'est plus dans l'apparence, on doit nettoyer même ce qui est invisible, donc les microbes, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais on doit aussi intérioriser des normes d'hygiène. Oui. Et on l'a d'ailleurs entendu au début de l'émission avec cet archive de 86. Quand quelqu'un nous dit « je ne me lave pas tous les jours », on a tellement intériorisé ces normes-là qu'on est choqué ou on rit de gêne. Non, vous avez raison. Mais là, vous vous replacez sur la grande perspective qui est celle finalement du propre. Vous voyez, alors que là, nous avons, nous, évoqué d'autres types de données qui sont celles du renforcement, de l'accentuation, en quelque sorte, de la vigueur, etc. Là, vous vous placez, très justement, sur la ligne qui est celle de l'accentuation de la propreté. Et c'est vrai qu'il y a une nouvelle bascule à partir du moment où Pasteur met en évidence les germes et leurs conséquences. C'est considérable, Pasteur, parce que vous avez des germes différents qui renvoient des maladies différentes, Les maladies se différencient à partir de données qui sont invisibles et qui sont elles-mêmes parfaitement spécifiques, parfaitement différenciées, parfaitement catégorisables. C'est fondamental, ça. Mais cette idée, c'est vrai, c'est que sur la peau peut exister peuvent exister des stagnations qui ne se voient pas et qui peuvent être particulièrement importantes. Alors, il n'y a pas que la peau. Il y a aussi la bouche, il y a aussi l'intériorité. Il y a le coin de l'œil, on le sait depuis quand même les mesures sanitaires avec le Covid, tout ça nous a été rappelé. Il y a toutes ces parties du corps qui peuvent porter des germes dangereux et inquiétants. Tous les germes ne sont pas dangereux, bien entendu, mais certains d'entre eux le sont. Et ça renvoie du coup à une vision qui touche à beaucoup plus de secteurs qu'on ne le pense. À partir de Pasteur, vous commencez à avoir des questions sur combien y a-t-il de germes dans un espace collectif, dans une poste, combien y a-t-il de germes, dans une gare, vous voyez ? Ou encore, travail que je trouve personnellement totalement évocateur, ou encore sur les chemins de fer. Combien y a-t-il de germes dans le sol de la première classe, dans le sol de la deuxième et dans le sol de la troisième ? Il y a eu des études où on comparait. Il y a eu des études là-dessus, bien entendu. Donc vous voyez, ça change complètement l'univers, la façon dont vous percevez l'air. D'ailleurs, c'est une grande question, l'air. C'est pas seulement l'eau. Hein. La façon dont vous percevez l'air, la façon dont vous percevez les sols. Et puis, question d'inquiétude. Je pense, vous avez un déplacement des inquiétudes. Je pense en particulier aux personnes qui voisinent avec le local d'un médecin. Imaginons que ce médecin est au premier étage. Les personnes qui habitent au second. Que disent-elles ? Vous commencez à avoir des plaintes comme ça. Mais alors, des gens qui sont porteurs de risques d'infection montent dans notre immeuble, ça ne se voit pas, mais c'est particulièrement dangereux. Et vous avez des plaintes. Et donc, l'univers change, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore avec la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu des plaintes aussi de cabinets, d'habitants d'immeubles dans lesquels il y avait des cabinets de médecins qui, effectivement, les habitants avaient peur d'être contaminés par des potentiels porteurs du Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi, Georges Vigarello, que là, le propre, l'hygiène, on est vraiment, ça y est, à basculer du côté de la santé. C'est plus quelque chose uniquement du côté de l'apparence, de la moralité, comme chez Rousseau, mais effectivement, on est du côté de la médecine et de la santé. Oui, vous avez raison, mais ça a toujours été plus ou moins lié à la santé. Hein. Nous ne nous y trompons pas, quand même. Les odeurs désagréables sont des odeurs inquiétantes qui peuvent toucher au fonctionnement de votre organisme, quand même, ne l'oublions pas. C'est toujours plus ou moins lié. Simplement, et là, je vous rejoins, simplement, cette façon de lier santé et propreté, c'est considérablement accentué, effectivement, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Parce que là, on montre immédiatement quels sont les dangers de ce que les auteurs commencent à appeler les monstres invisibles. Monstres, vous voyez, c'est effectivement un lieu où peut, au fond, se déclencher des désastres, pour dire les choses un peu vite et les dire mal. Et aujourd'hui, on en est où, Georges Vigarello ? Est-ce qu'on en est à la prolifération hygiéniste, la prolifération inverse, en fait, de la propreté des... Écoutez, moi j'hésite toujours à dire nous sommes dans des périodes d'accentuation et d'intensité, parce que en travaillant sur l'histoire et en comparant par exemple la manière dont le public se perçoit au 19e et comment il rejette les pratiques du 18e, quand je pense à ça, je me dis quelles sont les façons dont les hommes et les femmes du 23e siècle penseront ce que nous faisons au 21. Vous voyez, je pense que sans doute se livreront-ils à quelques rires ironiques sur nos propres pratiques. Il faut quand même pas l'oublier. Et l'histoire nous conduit à ça, à avoir une vision relativiste de notre propre pratique. Simplement, je pense que ce que le Covid a entraîné, mais c'est pas le seul, l'IVH aussi, ce que le Covid a entraîné, c'est que alors que nous avons traversé une période après les succès des vaccins concernant la polio, concernant la tuberculose, etc., alors que nous avons traversé une période où dominaient ce que j'appellerais les maladies chroniques, c'est-à-dire le cancer, les maladies de cœur, etc., qui sont toujours présentes, bien entendu. Nous nous trouvons confrontés aujourd'hui à un retour des germes, des microbes, des virus, etc. Nous, vous voyez, nous sommes confrontés à cela. Et du coup, oui, nous retrouvons l'exigence de pratique qui avait été un peu oubliée. Exigence du confinement, exigence de la distance, attention au contact, la phobie du contact, etc. Oui, c'est sûr, c'est sûr.

Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Salle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Audrey Guélil, Hélène Losseur à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur le propre, le sale, l'hygiène, l'eau, l'évacuation et d'ailleurs toute cette série sur les déchets, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine des Chemins et lundi, place à Alexis de Tocqueville. 4 émissions sur son chef-d'œuvre de la démocratie en Amérique. Nul n'échappe à la démocratie. Faut-il se soumettre à la majorité, l'opinion publique, l'égalité? On parlera tout ça et ce sera lundi. À lundi donc.